Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa bihi nasta'in. Il faut choisir Mais il faut choisir les mots, les meilleurs mots qui puissent être pour pouvoir faire arriver le sens spirituel de ce mot, du message que vous voulez transmettre. Et finalement, c'est extraordinaire de pouvoir faire cela. Donc, j'aurais aimé que vous puissiez faire la tenue du coup, durant toute l'année, mais au moins prenez quelques jours, au moins le week-end. Quand les gens ne travaillent pas, bon, aujourd'hui nous sommes jeudi, ce n'est pas férié chez vous, c'est férié. Mais toujours est-il que ça serait bien de pouvoir se réunir en permanence autour de la table des corps, autour de la table du hadith, chef. Les quelques mots que je voudrais vous dire aujourd'hui et terminer peut-être demain ou après-demain, puisque nous allons nous revoir, Inch'Allah, demain matin et samedi matin, il est 7h. Les quelques mots que je voudrais vous dire sont autour des bases fondamentales de notre religion. C'est vrai que nous fêtons la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que théoriquement on devrait consacrer nos propos, nos cas consacrés, nos rencontres à cet événement, théoriquement. Mais finalement, on étudie le Coran, qu'est-ce que nous faisons? Nous fêtons la naissance du prophète. Quand nous étudions le hadith, nous fêtons la naissance du prophète. Nous fêtons le lever du soleil sur le monde, dans cette globalité. Et donc, ce dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, sont les bases fondamentales de notre religion. Les bases fondamentales de notre religion sont bien connues. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est le rappel, parce que le rappel profite aux croyants. C'est bien de rappeler maintenant des choses. Et ces bases fondamentales, elles nous sont résumées dans le Coran, dans trois versets. Dans trois versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à qui? Donne l'ordre à Sidi Mohammed de s'adresser à sa population, de s'adresser à sa communauté en lui disant « Qul ». Et le « Qul », Qul dans le Coran, c'est extraordinaire, ça revient énormément. Parce que le Coran, c'est une parole qui est dictée par Dieu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et très souvent, les compagnons, très souvent, les non-musulmans, les non-croyants, venaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui posaient des questions. Et vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas tout en tête. Il ne savait pas tout. Et donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui montrait, qui lui dictait les réponses à donner. C'est pour ça que vous trouvez trop. Et quel est le chapitre qui est le plus doux dans le Coran? Bon, vous savez que Allah a fait. Vous l'avez vu dans le Fala, vous l'avez vu dans le Binas, vous l'avez vu dans le Kafir. Les sept chapitres que je viens de vous citer sont les cinq chapitres qui commencent par vous. Thank you. شوف سبحان الله، رسول الله أول معلم وأول معلم أو أحسن معلم، أفضل معلم وأفضل معلم. للفهمي إله الكون المفسر فهمي بس جدا. سبحان الله رسول صلى الله عليه وسلم الكون والكون Quand je lis le Coran, je le lis pour Dieu. pas pour que les gens disent « Ah, c'est quelqu'un qui vit très bien la mort. » Quand je jeûne pour Dieu. Quand je donne le monde, quand je fais la charité, je le fais pour Dieu. Quand je vais au Hajj, je vais au Hajj pour Allah, pour gagner l'agrément d'Allah. لكي تفوز بالنظام أشركوا به شيئا. Et ce fondement-là, ce fondement-là de la religion musulmane existe également dans la Bible. وإذا أخذنا من بني إسرائيل ميثاقهم لا تشركوا بالله شيئا. بني إسرائيل ce sont les projets qu'on appelle les juifs et les chrétiens. Les gens du livre, les gens qui ont reçu la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, eux aussi sont appelés à ne donner à Allah aucun souci. Et quand il dit shéa, ça veut dire rien du tout. Shé, ce sont toutes les choses qui puissent nous passer par la tête. Shé, c'est trois fois rien. D'accord. Allah tushriku bihi shay'an wa biwalidayni ihsan. Alors ça, c'est pas un interdit. Mais c'est inséré en tant qu'ordonnance parmi les interdits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous est interdit de vous conduire mal avec vos parents. L'axe de l'axe sahih. D'accord. Et ça, c'est la beauté de la langue arabe qui fait ça. Et les gens sont une balade. La langue arabe te permet de sortir d'un cybernétique. Si on fait ça en français, si on fait ça en anglais, ça passe pas. Ça passe pas parce que l'esprit de la langue française ne le permet pas. Ça ne veut pas dire que la langue française n'est pas belle, mais c'est l'esprit qui ne le permet pas. Au contraire, c'est une très belle langue. L'anglais aussi. Quoique personnellement, je préfère la France. Ça veut dire que tes parents, chacun de nous, doit mettre ses parents en priorité à soi-même. Après Dieu, vient les parents. Et c'est pour ça que un des grands exégètes du Coran, quand il a donné l'exégèse de Waqala wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah vous a prescrit que vous ne devez adorer que lui. Quand il a donné les sagesse de ce verset, il a dit que ce qu'il faudrait faire pour satisfaire cette ordonnance, alors tenez-vous bien, vous vous faire mal. Alors, c'est comme dire, c'est pas ça. Ce qu'il faudrait faire pour satisfaire ce verset, c'est que à chaque fois, le minimum que vous puissiez faire pour vos parents, le minimum que l'on peut faire tous pour nos parents, c'est que à chaque fois que l'on adore Allah, parce qu'il est wa bilwalidayn wa raf, on s'en réunit tous les deux, à chaque fois qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on réserve à Allah subhanahu wa ta'ala un acte de culte, il va falloir réserver aux parents un acte de bienfaisance. Tout le matin, c'est que à chaque fois que tu fais ta prière, que tu leur consacres, en vertu de ce verset, que tu leur consacres un moment de grâce. S'ils sont décédés, Mais si elles sont encore en vie, c'est d'aller les visiter, de leur rendre visite, ou de leur rendre service, ou de le mettre à leur service après chaque livre. Qui d'entre vous fait ça? C'est pour ça que je vous dis, on m'a mis faire mal. Qui d'entre vous fait ça? Qui d'entre nous, après chaque prière, prend le téléphone si ses parents sont éloignés de lui, prend son téléphone et demande à Dieu. Et leur dit un mot gentil. Et parfois, vous avez des mois qui passent, des semaines et des mois qui passent sans que vous pensiez. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont mis au monde. Hein? Et où est la reconnaissance? Un chourni ou un imaginaire? وَنُجَا أَنَّكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِيشَ فَلَا تُتَعَمَّا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ مَنْ كُنْتِسَنْ كُنْتُرُ مَنْ كُنْتِسِرِيشَ كُنْتُرُ تُنَا قَلُوا دُلَمْ et d'essayer de gagner leur amour, d'essayer d'être le plus doux avec eux, que ce soit le père ou la mère. Et c'est pour ça que quand je rencontre certains de nos frères et sœurs, nous venons convertir à l'islam. La première chose que je leur demande, bon, vous avez dit, je vais aller à l'Allah, je vais aller à l'Allah, c'est très bien, marhaba. Mais qu'est-ce que vous faites de votre relation avec vos parents? Vos parents peut-être n'ont pas encore dit, je vais aller à l'Allah, je vais aller à l'Allah. Comment allez-vous vous comporter avec eux? Ah, ça y est, je n'ai plus de relation avec eux parce qu'ils sont calculés. Subhanallah! Si tu te conduis de la sorte, comment voudrais-tu qu'un jour, eux, ils soient sauvés de l'enfer pour aller au paradis? Si tu leur déclares la guerre, ça veut dire que tu n'as rien compris à l'islam que tu viens d'embrasser. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Au contraire, il faut aller vers eux. Au contraire, il faut se conduire de la meilleure manière avec eux. Tes parents, tes frères, tes sœurs. Wa'budullah. Wa la tushriku bihi shay'a. Wa bi walidayhi ihsana. Wa bi dhil qurba. Wa li yatama wa masakin wal jar dhil qurba. Wal jar al junubi. Wal sa'imi bil janbi. Wa bi sabili. Wa ma malakat aymanukum. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous conduire correctement et avec douceur avec 10 types de personnes. Les parents, les proches, les voisins, de toutes sortes. Le gère et le roi, c'est-à-dire celui de ton voisin qui appartient à ta famille, mais aussi le voisin qui n'appartient pas. Subhanallah. Quand tu as un voisin qui n'est pas musulman, tu dois le très bien. Au contraire, tu dois t'ouvrir, ouvrir ton cœur. Ah non, moi si mon voisin n'est pas musulman, je n'habite pas ici. Et tu trouves les musulmans qui s'entassent dans des quartiers tout seuls. Le vrai musulman, c'est celui qui s'intègre là où il va et qui vit en ouverture avec tout le monde et qui tend sa main qui ouvre son cœur à l'autre. Alors, sinon, si tu vis comme ça, si comment veux-tu que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se répande sur le monde entier? Notre religion est une religion d'amour. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, parce que sinon on peut rester ici jusqu'à 2h du matin. Et je crois que vous allez devoir aller travailler pour certains d'entre vous. Par contre, on est à l'avance. Voilà, c'est la personne. Voilà, on va voir. Voilà, on va voir.